rêve. Musique comme ça, en effet, c'est Bulle de rêve, l'émission 100% animation sur Radio Libertaire. Comme je vous disais, où est-ce que ça pourrait être ailleurs de toute façon que Radio Libertaire, 2 heures sur le cinéma d'animation, nulle part. Donc, vous êtes bien et nous parlons de production du cinéma d'animation et évidemment beaucoup plus de courts-métrages avec cette idée de collectif des producteurs de courts-métrages d'animation qui s'est monté. Il s'est monté quand ? Ah. À Annecy l'année dernière ? Ouais, ça fait moins d'un an. D'accord. Donc à Annecy l'année dernière, un petit peu moins d'un an, qui avance vite. Est-ce qu'on peut... Qui veut se lancer que, de manière très concrète, les mécanismes de la production ? Peut-être Olivier, parce qu'il est dénoncé par ses petits camarades. Je ne suis même pas encore producteur, il faut que je fasse... J'ai un document qui est assez étonnant. Juste, oui. Olivier, j'ai un document qui est très intéressant. Il n'est pas disponible, on ne peut pas l'avoir sur Internet, sur Je voulais poser la question à mes petits camarades du collectif des producteurs, si je pouvais mettre ça en ligne sur le site de l'AFCA. On va voir, mais pourquoi pas, a priori. Parce que je le trouve assez fascinant et assez passionnant pour des gens qui, par exemple, moi qui aime bien l'animation, mais qui ne connaît pas du tout ce genre de mécanisme. Ouais. C'est assez intéressant de pouvoir le pouvoir voir. Il y a en préambule des choses où que moi j'ai ressenti pour vous parler. Ça vous arrive, hein, vous le savez, vous qui écoutez, de parler de ma petite expérience. Moi qui suis aussi, lecteur seulement, qui ne suis pas dans une commission, mais dans les longs métrages d'animation, même si je ne sais pas le dire. Un jour je vais me faire virer, de toute façon ils vont me le dire. Écoutez, ça commence à bien faire, parce qu'il y a un contrat, on est censé pas dire qu'on est lecteur. Tant pis, hein, je me ferai virer, c'est pas très grave. Moi j'ai dit aussi. Ouais, mais commission c'est différent, lecteur, on pourrait croire qu'on va venir me vendre. Ah bon, oui, me proposer des prix, ce qui n'arrive pas malheureusement. Sinon, je suis prêt. Moi, donc, je le dis parce que comme ça, les producteurs me payent des restos, des petits cadeaux, tout ça. T'as de la chance, pas moi. Et donc, c'est vrai que je dis souvent qu'il y a un manque de connaissances du monde de l'animation et que moi, j'avais proposé de même de faire des... parce que j'ai une petite conférence de 3 heures, 4 heures sur l'histoire de l'animation et de leur faire ça, de leur montrer... moi, c'est la commission est avec Serge Julie, enfin, il y a plein de monde, gens qui sont sûrement passionnants dans la prise de vue réelle, mais c'est vrai que dès que tu leur parles d'animation, c'est... ils connaissent pas grand-chose, ça sent. Moi, je trouve que c'est pire depuis qu'il y a les nouvelles technologies, puisque le grand public est persuadé qu'il suffit qu'on mette un dessin dans un ordinateur, que l'ordinateur va animer le dessin, on ne sait pas comment, tout seul, par un phénomène magique, puis ça va se mettre en couleur aussi, comme ça, tout seul, et puis hop, vous fabriquez votre dessin animé en 2 temps, 3 mouvements. Moi, j'ai encore en mémoire une réflexion d'un diffuseur il y a quelques années qui m'a demandé de refaire un second épisode d'un film qu'on avait déjà fait où il y avait les mêmes 3 personnages principaux. Et elle s'imaginait que parce qu'on avait les trois personnages principaux, on allait pouvoir faire ce 26 minutes en un mois. Et elle me disait, mais je comprends pas, c'est déjà animé. Et ça a été très long et très compliqué d'expliquer que l'animation, bah, c'est pas comme ça que ça marche, que pour le moment, rien n'a remplacé les mains des gens, des animateurs, que les dessins, la plupart du temps, on les fait un par un, qu'il y en a des milliers, que si c'est de la pâte à modeler comme technique ou de la plasticine ou quoi que ce soit d'autre, c'est très long, c'est très lent, et que la plupart du temps, un court-métrage qui fait plus de 10 minutes... s'il est animé image par image, il faut à peu près 2 ans et plus, puisque nous avons tous des cas de court-métrage qui nous ont pris 4 ans, 5 ans, voire 6 ans pour certains. Dora, après tout, c'est une bonne chose, puisque finalement je voulais partir sur les mécanismes, mais c'est vrai que c'est bête de partir sur ces mécanismes, autant déjà partir sur des bases très concrètes. En effet, c'est au niveau des techniques, il y a tout un passage qui est très intéressant au niveau des exemples 2D, dessins animés, 3D, alors... 3D, hein, même si je me bats sur ce micro tout le temps pour dire que 3D n'est pas c'est pas que de l'image de synthèse, c'est malheureusement le terme qui est le plus couramment aujourd'hui retenu. Encore une grande discussion avec Jérôme Boulbès, réalisateur, qui me disait que lui préférait ce terme de 3D. Moi je disais que le problème c'est que voilà, quand on disait 3D, c'était un peu tromper les gens, et que parce qu'on a 3D, ensuite maintenant on a volume animé qui est aussi pourtant de la 3D, hein, officiellement. C'est une convention, hein, c'est tout. C'est une convention, voilà, qui n'est pas du tout en France, qui n'est pas du tout aux États-Unis, puisqu'on a CGI qui veut bien dire ce que ça veut dire. Bon, mais c'est comme ça. On va pas, malheureusement, je crois que maintenant on peut rien y faire. C'est dans l'inconscient collectif, comme on dit. Donc, qui veut s'y mettre en effet ? C'est quoi ? Parce que c'est étonnant les différences entre de mois de production, de budget. Qui veut se lancer un petit peu là-dedans ? Olivier ? Non, mais de manière concrète pour que les auditeurs puissent juste. Quelle est la question ? Quelle est la question ? La question, c'est. Moi, je vois, technique par exemple, j'ai en dessin, la technique, ça va prendre pour un film de 8 minutes, on va avoir une durée de développement 9 mois, durée de production 18 mois, durée de post-prod 12 mois. Alors, ça veut dire quoi au niveau de l'année ? On va peut-être pas rentrer dans les détails, mais. Par rapport à ces tableaux, il faut quand même comprendre leur genèse. Avant de rentrer dans le détail, ce sont des tableaux qui ont été déterminés à partir d'un certain nombre de devis, de films réels, produits par des producteurs du collectif. Produit et terminé, oui, tout à fait. Donc ça permet d'avoir les coûts réels. Donc ce sont des tableaux, ce sont des moyennes. Qui ne rendent pas compte de la spécificité de chaque film. Et c'est ça qui est un petit peu embêtant avec l'animation, c'est que chaque film est une aventure spécifique. Et qu'on en a eu énormément de discussions, et on n'arrive toujours pas à être tous vraiment d'accord sur ce point, mais comment rendre compte auprès des financiers, du CNC et autres, moyen de pouvoir évaluer les films tout en tenant compte de cette spécificité. Pour l'instant, on a du mal. Et donc, les disparités qu'on peut voir sur ces tableaux, bien sûr, sont porteuses de sens quand même, malgré tout. Cela montre bien qu'il y a des techniques peut-être plus coûteuses ou plus rapides que d'autres. Mais ça n'empêche pas qu'on peut envisager un film 2D qui va prendre beaucoup, beaucoup de temps et qui va coûter très cher, et un film en volume qui, lui, au contraire, sera rapide et relativement peu onéreux. C'est vraiment difficile de rendre compte de la spécificité de chaque film par des moyennes. Donc, ce sont des moyennes. Oui, mais les moyennes, on sait bien que, comme tu l'as dit, ça permet de mieux faire comprendre finalement et de faire comprendre une réalité qui va être un film de prise de vue réelle, c'est à peu près tant de mois par exemple, et alors que de l'animation c'est ça, et ça peut peut-être permettre, moi je pense aux gens qui écoutent par exemple et qui ne savent pas du tout, on leur dit, moi à chaque fois qu'on parle, c'est ça peut prendre 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans pour faire un film, c'est bien aussi d'avoir aussi, et beaucoup moins aussi, donc sur un film à monter une équipe et, donc sur un court métrage en général sur les courts métrages. Il faut quand même être conscient qu'on essaye de... C'est pas de l'animation flash. Si on fait du flash en faisant de l'interpolation entre deux bosses clés, on peut faire des films en un mois. Hein, des films de 5 minutes en un mois. Ça va juste être moche. Hein, ou en tout cas, ça va être efficace, mais sans être vraiment travaillé. L'essentiel des films de court-métrage qui sont produits en France ont généralement quand même une volonté artistique beaucoup plus poussée que ça et un désir de recherche graphique qui va beaucoup plus loin. Du coup, il est très très rare que la production d'un film se fasse en moins de 18 mois et souvent beaucoup plus. Et les coûts, on les a tous à peu près évalués, enfin on a essayé d'envisager des moyennes, globalement on se rend compte qu'on est entre 15 et 20 000 euros la minute. Et ça, sachant que le volume va plutôt être dans la partie supérieure du coût et la 2D peut-être dans la partie inférieure. Mais là encore, je dis, ce sont des moyennes. Parce que si je regarde, encore une fois, dans les dons qu'on a bien compris, c'est des moyennes. Dans les moyennes du tableau, vous avez tous en plus, Olivier n'est pas encore, mais tous fait des films qui, moi j'étais assez surpris, des films qui sont assez longs, mine de rien, enfin, qui font plus de 10 minutes souvent. Quand je regarde, si je retrouve, mais quand je regarde... Les films de l'Arlequin, L'Homme de la Lune, c'est 18 minutes. Conte de quartier, 15 minutes. Bon, Tout est rien, 6 minutes. Mais Ligne de vie, 12 minutes. Pour premier... 20 minutes. 20 minutes, 11 minutes pour Premier dimanche d'août. C'est long. C'est des choses qui sont, oui, qui sont parce très longues. Souvent, les auteurs ont besoin de temps pour exprimer ce qu'ils ont à dire. Mais Serge, par exemple, là, on finit son nouveau court-métrage. Il fait 5 minutes. Serge Elissane. Oui, Serge Elissane, pardon. Mais bon, peut-être aussi que l'expérience de L'Homme de la Lune a été tellement longue et compliquée, parce que quand on a commencé L'Homme de la Lune, au bout d'un certain nombre de mois, Serge a été appelé pour donc il a déménagé, non seulement il ne pouvait plus travailler sur le court-métrage, mais en plus il était à Angoulême, donc ce n'est pas évident de faire un court-métrage à distance. Et je pense que ça a été une expérience tellement difficile pour nous, et lui et moi, parce que ça nous a coûté une fortune dont je vais avoir du mal à me relever au niveau des courts-métrages, Il a eu envie après de faire un court-métrage avec un seul personnage, simple. Mais bien qu'au départ, le film devait faire que 4 minutes, là, on en est déjà... C'est plus fort que lui. Ces films rallongent souvent de ce qui était prévu. Par contre, on a le film de Sandra Desmazières. La malheureuse, elle a été obligée de couper 2 minutes d'anime au montage. Et je peux vous dire que 2 minutes d'anime sur ce genre de film, vous allez voir, c'est stupéfiant. Et il y a à chaque plan 15 personnages qui bougent. C'est presque 5 mois de travail qu'on coupe comme ça d'un coup de ciseau. Enfin, façon de parler, puisque maintenant le montage est numérique, c'est très très difficile hein, pour les réalisateurs. Comment, alors, on fait une parenthèse, comment un producteur travaille avec son auteur et son réalisateur à ce moment-là? Ben, si vous voulez, le problème avec le court-métrage d'animation, c'est que c'est tellement lent et long comme processus, c'est que bien souvent, le réalisateur... Il a trop le nez sur son film et il ne se rend plus trop compte du film dans son entité, vous voyez, dans sa totalité. Donc là, le rôle du producteur, c'est justement d'avoir un peu de recul et de lui dire, écoute, non, ça, ça ne va pas, c'est trop long, c'est pas compréhensible, etc. Donc c'est un processus très, très difficile. Parce que surtout quand le réalisateur, et ça, on va en parler... Bien souvent, sur 4 ou 5 ans ou 3 ans, il n'a pas été payé pendant toute la durée de la production, parce que c'est très difficile hein, de trouver assez d'argent pour rémunérer les gens d'une façon correcte. On est gêné de lui dire, écoute, il faut couper, parce que, voilà, c'est pas pareil qu'un film de commande. Ouais. C'est pour ça qu'il y a l'animatique aussi au début. Il y a un vrai travail de la part de la production et du réalisateur pour bien préparer le plus en amont possible pour éviter ce cas de figure. Des fois, on est obligé de passer par là parce que s'il faut rajouter, au contraire, des secondes d'animation ou des minutes d'animation, remettre en place un circuit de fabrication, c'est une calamité. Donc, pour dire l'animatique, c'est on part du storyboard qu'on animé. Filme, oui. Hein, animé, pour oui. voir si le rythme fonctionne bien finalement du film et des choses d'éviter. Ça marche pas toujours. Pas toujours, la preuve. C'est pas systématique et puis il y a certains réalisateurs, leur storyboard, ils sont entre guillemets bibliques. Hein. Mm. Vous aurez filmé le storyboard, ça va pas vous donner grand chose de plus. Hein. Mm. Et bon, bah, il faut gérer ça aussi, mais c'est très très douloureux pour un réalisateur. Là, en 10 minutes de temps, on visionne le montage et puis hop, on lui dit, écoute... Enfin, c'est pas compréhensible, il y a des choses qui vont pas, etc. C'est très, très douloureux. Hein. Ça, je dois dire que moi, j'ai beaucoup de mal avec mes auteurs à leur imposer des choses. Mais bon, c'est aussi à ça qu'on sert. Hein. Pour ça, tout à l'heure, quand tu as parlé de réalisateur-producteur, moi, je dis toujours attention danger. Hein. Mais déjà qu'ils ont beaucoup de casquettes. Ah bah, c'est-à-dire qu'en fait, en animation, ils sont... C'est un choix de fonctionnement. Non, mais on est parfaitement conscient du risque que ça représente de fonctionner comme ça. Hein. Moi, je trouve que le producteur, il ne doit pas avoir trop d'ego, alors. En prise de vue réelle, le réalisateur est en France aussi scénariste. Et alors qu'en animation, il est également, on pourrait dire, chef opérateur, puisqu'on choisit aussi un réalisateur par rapport à son style graphique. Bien sûr. Donc en fait, ça fait beaucoup de casquettes, et comme il est le nez dedans, comme tu disais Dora, pendant très longtemps, il a quasiment trop de boulot. Et le boulot d'un producteur, c'est vraiment régulièrement d'être une sorte de vigie, quoi. Puis souvent, excusez-moi de vous couper, avec les moyens limités que nous avons, on peut difficilement recruter beaucoup de gens autour. Ce qui fait que sur certains films, le réalisateur, il est vraiment quasiment tout seul. Oh oui. Par exemple, Florence Mihail, qui a une technique très particulière, puisque c'est de l'animation sous caméra, avec un style graphique très particulier. Elle n'a pas tout, si vous voulez, toute la préparation comme on a habituellement dans un film. Et puis, personne n'est capable de dessiner et d'animer comme elle. Donc, elle est, la plupart du temps, sauf sur Contes de quartier où on a trouvé d'autres solutions, elle est seule des mois et des mois et des mois devant son banc-titre. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, on a aussi le fait qu'on ait peu de moyens ou alors certaines techniques ne peuvent pas se partager avec d'autres. Ça fait que, évidemment, le réalisateur, il a beaucoup de mal, au bout de 3 ou 4 ans, à juger de son propre film. Hein. Ça, il faut dire la réalité. Hein. Ça peut être un choix aussi du réalisateur de vouloir beaucoup faire tout lui-même, tout seul, quelque part. Alors que d'autres ont plus facilement travaillé avec une équipe. Ce qui est quasiment impossible, évidemment, en prise de vue réelle. finalement, de faire tout tout seul. Je parle d'un court-métrage de fiction. Souvent, ça dépend. Disons que il n'y a pas ce côté ascétique qu'on pourrait avoir effectivement dans certains films d'animation. On peut travailler tout seul. Je pense par exemple à Sébastien Lodenbach qui a fait Des câlins dans la cuisine tout seul. D'autres films qui sont faits avec des grosses équipes, etc. Après, tout dépend évidemment du financement. Mais je prends l'exemple d'un autre producteur qui fait partie du collectif, Christian Pfoll, de l'Ardux. Il ne veut absolument pas, il fait également de la prise de vue réelle, il ne veut absolument pas travailler sur des grosses structures, des grosses mises en place en prise de vue réelle. Pour lui, c'est hors de question. Alors évidemment, après, ça modifie le film ou les moyens, les mouvements caméra, etc. Après, ce sont des choix. Aujourd'hui, en fait... Les techniques artistiques ont toujours eu tendance à se démocratiser. Si on regarde un peu l'histoire des différentes techniques, que ce soit faire un tableau avant, on avait besoin de personnes qui préparaient les pigments, etc. Puis on a eu les tubes. En musique, c'est pareil. Avant, quelqu'un composait et puis il y avait un quatuor qui jouait. Aujourd'hui, avec les moyens modernes, on arrive à faire le quatuor soi-même, etc. En animation également, avec les logiciels, on arrive de plus en plus à faire du travail seul, entre guillemets. Donc, c'est une démocratisation. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de talent, etc. Je dirais qu'après, il peut y avoir des gens qui sont dans leur home studio, qui font de la musique et de la très très bonne musique seule. Et puis, il y en a qui ont besoin de travailler en groupe. Donc, c'est ça, je crois qu'il y a beaucoup une question de personnalité. Nous, c'est vrai qu'on a monté cette structure. Ce sont des gens qui, déjà dans leur premier film qu'ils ont généralement fait dans des structures de production plus classiques, ils avaient en fait fait le film dans des conditions de grande solitude où ils ont géré beaucoup de choses pratiquement seuls. C'est pas tout à fait vrai pour Gilles Quevenier, mais c'est vrai pour beaucoup pour Franck, bon, mais qui a travaillé pendant longtemps sur une équipe, mais ensuite qui a retravaillé tout son film image par image pendant 9 mois tout seul chez lui. Quelque part on s'est si on s'est lancé dans cette manière de fonctionner, c'est aussi parce que ce sont des gens qui se sentent prêts à le faire. Moi, je ne dis pas que notre méthodologie est applicable à tout le monde et à tous les réalisateurs. Je ne le pense pas. Je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui les soutienne, qui les chapeaute, qui soit capable de leur mettre des limites. Nous, on a un mode de fonctionnement qui plaira à un certain nombre de personnes qui consiste à dire vous prenez vos responsabilités. Alors, pour revenir sur le débat même des problèmes qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'on peut juste avoir, encore une fois, une moyenne est toujours réductrice, bien évidemment, quelque chose. C'est quoi? C'est 3 ans de travail pour un court-métrage, en moyenne, encore une fois. Je sais que ça peut être moins... Parce que j'ai l'impression, c'est bizarre, on n'arrive pas. Oui, on n'arrive pas parce qu'il y a tellement de cas d'espèce. Ça dépend en fait. De la durée, ça dépend de la technique. Mais ça veut dire que l'animation restera toujours à part, toujours dans un coin, et en fait, on n'arrivera jamais à faire quelque chose. En fait, le court-métrage d'animation restera quelque chose d'artisanal, et il faut l'espérer. Parce que c'est aussi ce qui lui donne sa spécificité, et qui permet à chaque film d'être quelque chose de personnel. Si ça devient quelque chose d'industriel... Sans parler d'industriel, on peut mettre des... Bon, ceci des étant jours, dit, enfin... quelqu'un comme Arnaud des Films du Nord nous a dit que lui, il essaie de caser la production de ses films en 8 mois. C'est très carré, il organise toute sa structure et sa production sur ce principe-là. Ça implique des choix aussi de type de films qu'on produit, je pense. Enfin, en tout cas, je l'imagine. Je n'ai pas assez d'expérience dans le milieu pour le garantir, mais il me semble. L'idée du collectif, hein, dans ce que j'en ai vu, dans ce que j'ai vu, c'était ça aussi. C'était aussi expliciter finalement à des gens, comme je disais, au CNC, dans les chaînes. Je veux dire, quand on a en effet une responsable de chaîne qui pouvait me faire 26 minutes en un mois, expliciter quand même certaines choses. Et de pouvoir dire, regardez, les spécificités un peu de l'animation, alors pas forcément en réduisant, mais quand même pour écoutez-nous, entendez-nous. Et donc là, par rapport déjà aux auditeurs, déjà aux choses, dire... Je ne sais pas, dire, est-ce qu'il n'y a pas quand même une possibilité? Alors, je vais vous expliquer en fait, historiquement ce qui s'est passé. On va peut-être revenir à la création du collectif, le pourquoi. Avant le collectif, il y a une étude en 2005 qui a été faite par le SPI, le syndicat des producteurs indépendants, qui a dit, voilà, Il y a des contrôles, il y a des contrôles des inspecteurs du travail, etc., dans le domaine du court-métrage. Le court-métrage n'est plus cet espace de liberté où éventuellement on peut ne pas toujours payer les personnes, etc., mais on a un désir de créer, etc. On ne pouvait plus fonctionner comme ça. Aujourd'hui, il y a une professionnalisation du court-métrage. Il y a des gens qui gagnent leur vie avec le court-métrage. Il y a une volonté du CNC de professionnalisation du court-métrage, en plus. Voilà. Donc, en fait, le SPI a fait une étude pour montrer que si jamais on professionnalisait le court-métrage, il manquait beaucoup d'argent pour pouvoir payer les techniciens. Donc, on restait tout le temps dans l'illégalité. Donc, c'est bien de vouloir professionnaliser. Mais si on est dans l'illégalité, il y a un problème quelque part. Donc, ils ont fait cette étude en montrant justement en termes... Ils l'ont fait uniquement pour la prise de vue réelle, puisqu'il faut savoir que le SPI manquait un peu à un moment donné, parce qu'on n'était pas créé en collectif à ce moment-là. Il manquait cruellement peut-être d'interlocuteurs dans le domaine de l'animation. Donc, ils ont fait leur étude sur ce qu'ils connaissaient, et ils le connaissent bien. Ils ont fait une très bonne étude qui a fait énormément avancer des choses et qui a montré qu'il manquait quelque chose comme 20 millions d'euros pour pouvoir payer les gens sur du court-métrage en prise de vue réelle à la base des numéros de visa, c'est-à-dire environ 400 films produits par an en court-métrage en France. Bon, donc ça, c'est cette étude en 2005 a entraîné des conséquences très importantes, c'est-à-dire que le CNC a revalorisé quasiment toutes ses aides, notamment les deux aides principales qui sont l'aide sélective et l'aide au programme. Les télévisions ont augmenté leur prix d'achat, de préachat et d'achat à la minute. Les régions ont, grâce à l'aide du CNC encore, augmenté leurs aides. Donc il y a eu un mouvement assez important qui s'est développé, qui correspond en gros à une augmentation, je vais exagérer un peu en disant ça, mais une augmentation de 50% des besoins. Il manquait encore 50% qui devait être la deuxième tranche, qui, c'est pas sûr que ça, ça ait lieu un jour. En tout cas, il y a déjà eu 50% à un moment donné. Il se trouve que beaucoup de gens ont dit c'est super, mais le collectif qui n'existait pas, les producteurs d'animation se sont dit mais c'est bizarre, il y a la prise de vue réelle qui augmente, le prix moyen, l'aide moyenne du CNC en prise de vue réelle a augmenté, est passé de 45 000 à 78 000 euros en moyenne par film, mais on a constaté qu'en animation, cette augmentation n'avait pas eu lieu, ou alors une augmentation de 1000 euros par film, un truc comme ça, et ça restait environ à 45 000 euros. Donc, on a essayé d'aller voir le CNC, enfin, je ne vais pas dire, certains producteurs indépendamment ont essayé d'aller voir le CNC, mais parfois c'est assez difficile de se faire entendre sur des sujets aussi lourds quand on est seul. Donc, l'année dernière, à Annecy, a été créé un collectif. Et ce collectif, en fait, visait à donner une force, pas de frappe nécessairement, mais une force de discussion pour expliquer justement quelles étaient les différentes techniques, quels étaient les coûts, quelles étaient les conséquences, etc. Et quelles étaient les spécificités des films d'animation, puisqu'il y a plusieurs techniques, etc. On en a parlé tout à l'heure. Et nous-mêmes, on a appris beaucoup de choses, puisqu'on a confronté nos chiffres, nos façons de travailler, etc. On est arrivé à des moyennes qui sont à peu près, effectivement, celles qu'on avait à peu près estimées, etc. Donc on est allé voir le CNC, et le CNC nous a écoutés, a constaté effectivement que on avait des compétences qui étaient différentes de leurs interlocuteurs habituels, qui ne nous écoutaient pas trop, parce que pareil, tant qu'on n'arrive pas à s'affirmer et à exprimer des choses, on ne tient pas toujours compte, effectivement. Et expliquer. Voilà. Donc, on a réussi à expliquer un peu notre façon de procéder au travers du Festival de Vendôme, qui était notre première rencontre, puis au Festival de Clermont-Ferrand. Et on a constaté que le CNC nous écoutait vraiment beaucoup et découvrait aussi des choses, parce que, évidemment, c'est très particulier. Et donc là, on est dans un processus vraiment d'échange qui est très positif pour tout le monde, et avant tout, de toute façon, pour la création. Et je crois qu'on a tous un désir que la création puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Je pense ne pas me tromper. Olivier. De toute façon, je crois qu'effectivement, le CNC avait conscience qu'il y avait il y avait quelque chose d'un peu curieux dans tout ça, qu'il y avait une injustice, et puis ils étaient vraiment en manque d'expertise. Ils le disaient, ils interrogeaient, mais ils savaient pas très bien comment prendre la chose. Donc c'est pour ça que ce collectif était vraiment important. Ce qu'on a expliqué, c'est que, bon, d'abord, c'est une réalité complexe, effectivement, puisqu'on n'arrive même pas, entre nous, à exprimer des choses bien carrées pour dire, c'est un film d'animation, ça coûte tant, ça se fait en tel temps, etc. Et puis en plus, il y a la chose qu'on affirme, c'est que les films d'animation, les courts-métrages d'animation, ils sont plus chers à produire que des courts-métrages en vue réelle, quoi. Donc il y avait une espèce d'aberration dans tout ça, et il était grand temps de faire quelque chose, on va dire. Je vais juste donner un exemple très concret, très simple. Tout à l'heure, je disais, il faut à peu près une personne, mais à peu près une seconde pour animer un film d'animation en 2D. Par jour. Une à deux. Donc, supposons, bon, fourchette basse, supposons, prenons l'idée d'un film de 10 minutes. Un film de 10 minutes, il faut, c'est à peu près 600 secondes. Enfin, c'est 600 secondes. Okay. Donc, 600, voilà, merci, jusque-là. On va y arriver, non, c'est une volonté de mettre les choses à plat, c'est très bien. Il n'y a pas à dire, je suis pédagogue. 600 personnes pendant un jour. Voilà. Personne pendant 600 jours. Voilà, mais ce sera le même salaire au final, puisqu'on va parler de salaire, justement. Donc, il faut, mettons, 600 jours. 600 jours, c'est quoi? Si on part sur une base à peu près de 20 jours par mois, il faut compter 30 mois pour une personne pour faire un film de 10 minutes en animation traditionnelle 2D. À raison, donc je rappelle, d'une seconde par jour. 30 mois, c'est quoi? S'il y a un salaire de 1500 euros hors charge par mois, ça fait 45 000 euros hors charge pour une personne qui va animer. Donc avec les charges, ça tourne à peu près autour de 75 000 euros, un peu moins, etc. Donc 75 000 euros pour faire un film de 10 minutes en animation, sachant que personne d'autre n'est payé. On ne parle pas de la musique, on ne parle pas du mixage, on ne parle pas du producteur, on ne parle pas des voix. Des couleurs, on ne parle pas du compositeur. Oui, voilà. Donc c'est juste l'animation de base, on ne parle pas du matériel non plus. Donc quand je vois les moyennes, juste quand je vois les moyennes, parce qu'on n'a pas parlé, on ne voulait pas parler de moyennes, mais quand je vois certaines moyennes, en tout cas qui sont données coût global d'un film, ça va de 130 000 à peu près, 150 000 avec des fourchettes hautes de 220 000 pour le volume et pour sûrement des techniques un peu plus compliquées. Donc c'est 150 000 environ pour 8-9 minutes de film. Donc c'est pas excessif les moyennes qu'on a mis non plus. Et donc là-dessus, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que si on cherche les financements, on constate que le CNC a jusqu'à aujourd'hui, parce que ça va changer a priori en 2008 sur les prochains chiffrages, jusqu'à aujourd'hui, donnait à peu près une aide en moyenne de 45 000 euros. Donc on pouvait même pas payer l'animateur de base avec l'aide du CNC. Donc c'était même avec les aides d'une télévision, les aides d'une région, etc., on ne peut pas rentrer dans la légalité. Donc le discours, d'un côté, que demande évidemment tout le monde, que ce soit les régions, les télés, les producteurs ou le CNC, d'avoir une certaine légalité, impliquait quoi? Impliquait une mauvaise qualité de travail ou alors une inégalité. Une certaine égalité veut dire que l'assurance chômage, on est d'accord? Puisque c'est un peu ça, crever l'abcès. Voilà. C'est-à-dire que paye finalement. Paye la création. T'es un gros coproducteur de films d'animation. Ça a bien changé l'assurance chômage des intermittents du spectacle. Ouais. On ne peut plus dire maintenant que c'est systématique. Et puis je voudrais quand même souligner que 1500 euros brut pour un animateur, vu son niveau de compétence, ses études, etc., c'est très peu. C'est même pas légal, puisque comme la convention collective de l'animation est étendue, c'est-à-dire qu'elle est obligatoire pour toute société de production, la paye d'un animateur, c'est 2200 euros brut. Donc on est même en dessous, dans ton estimation, où on voit qu'on est déjà complètement dans le vent, en fait on est en dessous de la réalité. Mais je crois qu'il faudrait maintenant à ce stade expliquer aussi que à part le CNC qui donc peut donner de l'argent une fois que vous avez passé toutes les commissions, parce qu'il faut encore que votre projet plaise. En commission sélective, comme son nom l'indique, c'est subjectif. Commission subjective, d'ailleurs, on devrait l'appeler plutôt sélective. Et sinon, bon, l'aide au programme, c'est trop compliqué à expliquer en quelques mots, mais tous les producteurs ne peuvent pas aller à l'aide au programme parce que c'est des coefficients, des points, etc. Donc, l'aide au programme, c'est un point qui est lié à la diffusion des films. Voilà, et qui est donné en fait pas forcément à des projets, c'est ça? Non, qui est donné à des sociétés. Des sociétés, on est d'accord. Parce que moi, je vais vous donner un exemple. Quand on a produit La vie secrète des mille fruits de Serge, on a été quasiment sélectionné dans aucun festival. Personne ne voulait de ce film. Maintenant, il est devenu un film vraiment que tout le monde, enfin tout le milieu de l'animation, qui est quand même minuscule, connaît. Mais bon, donc, vous voyez, on ne sait pas le destin d'un film. Hein, c'est tellement variable. Donc, à part le CNC, on n'a pas 36 possibilités. Vous avez les diffuseurs, donc Canal, Arte. Bon, maintenant, il y a un petit peu de velléité au niveau de France 2, France 3, mais qui reste... France 2, mais en fait, il ne faisait pas beaucoup d'animation jusqu'à une période récente. Voilà. On va juste, quand même, pour les auditeurs, faire une dernière pause musicale et on reviendra après dans notre dernière partie sur, en effet, le reste des financements hors CNC. On va écouter, pour se donner un petit peu d'air, on va dire, Fanny All Stars, c'était un groupe qui avait été monté pour la Fanny Records, qui était dans les années... fin des années 60... un label qui voulait monter normalement tous les grands noms de la salsa. Et donc on va s'écouter pour se faire plaisir. Vous pouvez danser évidemment sur la table. Fania All Stars Live. On écoute ça. Yo! Et voilà, vous ne pouvez pas entendre, mais le débat continuait pendant... dommage, parce que Fanny All-Star Live, c'est quand même assez impressionnant. Hein, Tito Puente, Di Palmieri, Ray Barreto, enfin bon, il y a absolument tous les grands noms. Mais on me dit de me dépêcher, Ron me dit de me dépêcher. Il y avait plein de choses encore à dire. Donc, parce qu'il faut se dépêcher. Ce sera la musique du prochain court-métrage d'animation. Peut-être d'un producteur. Donc je t'écoute, puisque tu es parti. Après, le CNC, on parlait donc notamment des chaînes. Où en est-on au la niveau des productions des chaînes? Dora en parlait. Oui, mais enfin, on est quatre autour de la table. Olivier, tu es plus compétent sur les chaînes de télé. C'est toi qui as mené l'étude auprès des chaînes de télé. Eh bien, allons-y alors, donc, puisque... Non, les chaînes de télé, essentiellement, en fait, Arte et Canal+, ont une politique de préachat qui est très intéressante parce qu'elle n'est pas figée au prix à la minute, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont une vraie écoute sur les spécificités du court-métrage d'animation. Donc, ils analysent vraiment le projet, contrairement à la prise de vue réelle, par exemple, où là, il y a un prix à la minute qui est fixé et qui ne bouge pas, que ce soit tourné en vidéo, en 16 ou en 35 mm. Pour l'animation, il y a un désir de se rapprocher le plus possible d'une aide particulière en fonction des projets. Par contre, pour les achats des films, c'est-à-dire après que le film soit produit, le prix d'achat est le même que ce soit pour la prise de vue réelle ou pour l'animation. Quand on parle de, juste pour savoir, préachat, coproducteur, il y a une différence. Une chaîne peut préacheter un film, peut être coproducteur. Comment ça se passe au niveau des... Ce qui se passe, c'est qu'il y a de moins en moins de coproductions. Arte, je crois, on continue à en faire un peu. Canal en fait, mais en 2007, on n'en a fait que pour la prise de vue réelle. Alors que Arte en fait pour l'animation essentiellement, mais... je dirais que quelle est la différence peut-être hein, c'est Olivier, question de... En coproduction ils mettent plus entre d'argent allez, Olivier Doral, en coproduction Doral. Ils mettent plus d'argent mais en contrepartie ils ont un pourcentage sur les recettes du film qui est variable en fonction justement de la somme qui est amenée en coproduction. En préachat, la somme est moindre, mais ce qui est bien c'est qu'on la touche quand même au fur et à mesure de la production et pas tout quand c'est fabriqué et qu'on arrive à le vendre. Et le diffuseur, par contre, n'a pas de pourcentage sur l'exploitation du film. Ça a été Arte, puisque Canal+, pendant un moment, s'est retiré. Faisait beaucoup moins d'achats au niveau de l'animation. Visiblement, ils disent parce que peut-être il y a des séries qui sont lancées. J'ai lu ça. Arte, par exemple, par rapport à Florence Mihail, au film de Florence Mihail qu'on a toujours suivi, c'est c'est un partenaire important. Oui. Ce qui est d'intéressant avec Arte, c'est que ils suivent les auteurs. Mmh. Ils ont cette notion d'œuvre. Et évidemment, si le film qui est présenté est absolument nullissime, ils n'ont pas une obligation. Hein, mais on va dire que dans la plupart des cas, ils suivent les auteurs. Pour cette raison. Canal, à un moment donné, ne faisait plus grand-chose au niveau de l'animation. Là, depuis quelques mois, ils s'y sont remis. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des lignes éditoriales assez différentes. On ne propose pas à Arte ce qu'on propose à Canal et vice-versa. Et puis, au niveau des diffuseurs, c'est tout, quoi. France 3 ne fait rien, c'est pas ça. En animation. Ils vont en faire. Parce que, enfin... Ils ont dit. Ils travaillent beaucoup sur la série, avant tout. Voilà, non, c'est surtout parce qu'ils ont une émission jeunesse aussi qui est très importante et des spéciaux. Donc, en fait, ils considèrent que la grille court-métrage ne doit concerner que des films, a priori, en prise de vue réelle. Que c'est ça, France 2, il y a peu de choses, non, quand même. Ça commence. Oui. Mais avant, il n'y avait rien. Ouais, c'est vrai. Il y a eu un changement. Avant, c'était une autre personne qui s'occupait en fait de la grille de court métrage au sein de France 2 et qui, comme pour France 3, ne préachetait pas ou n'achetait pas d'animation. Et de nouveau responsable, Christophe Taudière, en fait, tient de plus en plus compte de l'animation dans ses préachats et ses achats. Les chaînes du câble, les autres, non, ça rien du tout. Ou c'est très faible. Ils peuvent acheter, mais c'est des sommes absolument dérisoires. c'est pas du tout les mêmes moyens. Donc ça, c'est négligeable, on va dire. Dans vous, quand vous produisez un film, les autres chaînes, vous y comptez pas. C'est en plus. Mais déjà, on ne peut pas. Déjà, entre guillemets, on pourrait pas compter sur les chaînes normalement. C'est-à-dire, je schématise, hein, mais avant tout, c'est le CNC. C'est un complément, tout, c'est comme les régions, parce que les régions, on va en parler aussi. Après, mais il faut se délocaliser. Les chaînes, pour schématiser, c'est un quart, pour l'instant, de l'aide du CNC avant qu'elle soit revalorisée en 2008. C'est-à-dire, c'est 10 000 euros, 12 000 euros à peu près. Il n'y a pas que ça, c'est aussi le nombre de films qu'ils coproduisent ou qu'ils préachètent. Oui, qui est très faible. C'est très faible. Mmh. C'est... pour Arte en copro, je crois que c'est une dizaine de films par an. C'est-à-dire qu'il y a énormément de films qui se font uniquement avec l'aide du CNC et des régions quand de temps en temps il y a des régions et sans diffuseur. Et comment... Olivier, tu voulais dire quelque chose ? Non, mais oui, les régions sont quand même... Le problème, c'est que c'est très inégal selon les régions. C'est-à-dire qu'il y a des régions qui ont développé une politique où ils s'investissent vraiment dans l'animation, ils s'intéressent au projet et ils donnent de l'argent de façon relativement conséquente. Pas forcément les plus grandes, j'ai vu, les plus grosses. Parce que la région PACA, il n'y a rien. Alors, justement, c'est en train de changer pour la région PACA. L'Île-de-France, il n'y a rien. Donc, ça change. L'Île-de-France, il y a rien. Il est démarqué. Les principales. On a des pistes. Il y a des pistes qui commencent. On a rendez-vous. Ça va être un travail du collectif d'essayer de convaincre d'autres régions, alors soit de s'intéresser à l'animation et surtout d'adapter leurs aides au court-métrage d'animation. Les conditions ne peuvent pas être les mêmes. Les principales régions qui aident, c'est Rhône-Alpes, Poitou-Charentes, la Bretagne, le Nord-Pas-de-Calais, la région Centre, bien sûr. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, le tournage n'est pas le même. C'est-à-dire que d'amener une caméra ou d'amener des... La production n'est pas la même. Un film d'animation, comme on disait, ça peut durer jusqu'à 5 ans. Et donc après, chaque région va... avoir ses spécificités pour accueillir, entre guillemets, ces critères, pour accueillir un tournage, une production de film. Donc ça peut passer soit par une coproduction en local, comme c'est souvent le cas en Poitou-Charentes, c'est-à-dire qu'il y a un tissu très important qui a été développé en région Poitou-Charentes, qui fait que des maisons de production, par exemple parisiennes, vont rentrer en coproduction avec des sociétés qui sont basées à Angoulême, notamment. Pour la région centre, c'est la nécessité mordicus, en tout cas pour l'instant, que le réalisateur passe au moins 6 mois sur place en région centre. Donc ça a des incidences, évidemment. Quand c'est un homme ou une femme qui a des enfants, qui a sa famille à un endroit donné, partir 6 mois, c'est un peu compliqué. Donc certains réalisateurs viennent nous voir éventuellement en nous disant... si on peut faire le film sans une aide de la région, ça serait cool. Alors nous, producteurs, on a déjà du mal. Si en plus on peut pas avoir une aide de la région, c'est un peu difficile. Voilà. On peut dire quoi, le CNC, si on peut oser un pourcentage, ça représente combien du devis? 50-60%. Ensuite quoi, la télé? La région. La région et la télé région finissent le tout, c'est ça enfin. La région c'est entre 20 et ça peut aller jusqu'à 40-45 000 euros pour certaines régions, pour certains projets. Et au niveau de la diffusion, parce qu'on va avoir évidemment 5 minutes, au niveau de la diffusion, parce que est-ce que c'est pas un problème aussi la diffusion, on a vu la télé évidemment, c'est aussi une possibilité de l'achat. Il y a quoi? Il y a les festivals. Non mais alors la diffusion télé, faut quand même bien voir que c'est toujours à des horaires un peu. Oui, c'est 2 heures. Comment va-t-on dire? Oui, sur circuit. Et en même temps, quand on en discute avec les responsables des émissions, ils sont aussi contents d'avoir ces fenêtres parce qu'il y a une liberté de création pendant ces émissions. Et ils sont très contents. C'est vrai, mais on leur reproche aussi de ne pas faire d'audience. Oui, bien sûr, c'est quand même contradictoire. Enfin, en même temps, Roland Guillen de France 3 est très content de l'audience qu'il fait à cette heure-ci. Je crois qu'elle est pas mal. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne prennent pas d'animation. Voilà, donc. Non, il y a un gros souci. C'est effectivement aussi dans les festivals. Donc, les films d'animation. Il y a tellement de critères de sélection en amont que généralement, les films qui sortent ont une carrière correcte, plutôt assez correcte, etc. Donc, marchent relativement bien. Par contre, il y a un autre souci, évidemment, qui est important, c'est que pour beaucoup de festivals et beaucoup de jurys de festivals, les grands prix ne vont pas aux films d'animation. Alors, Par exemple, Clermont-Ferrand, pour prendre quelque chose, il y a un prix du film d'animation qui peut être intéressant, mais qui à la fois ostracise quelque part, ce qui fait que le Grand Prix n'a jamais été un Grand Prix en 30 ans de festival d'animation. Vendôme, par exemple, on a eu le Grand Prix à Vendôme. Il y a des bruits qui ont circulé. Moi, je ne suis pas au courant des débats, mais comme c'est un très grand festival Vendôme, il y a des bruits qui ont circulé comme quoi il ne fallait pas le donner à un film d'animation, normalement. Oui, c'est toujours objet de polémique. C'est en objet fait, de polémique. Il y a eu deux, c'est assez nouveau d'ailleurs, coup sur coup, il y a deux films d'animation qui ont reçu des grands prix dans des festivals de court-métrage. Donc, il y a eu Le Loup Blanc à Vendôme et il y a eu Bonsoir Monsieur Chou à Aix-en-Provence. Pratiquement, il y avait quoi, 15 jours d'écart entre les deux. Donc, effectivement, du coup, ça a beaucoup fait parler dans la profession et c'était un... Bon, et puis, il y a eu le César de Florence... Oui, qui était quand Florence même quelque chose d'hallucinant parce que le présentateur ne savait même pas qu'il donnait le grand prix à un film d'animation. Parlons-en. Avant les Césars avait un César du meilleur court-métrage d'animation. Qui s'est arrêté il y a 5-6 ans. Voilà, mais qui va revenir normalement. Enfin, c'est en discussion, ouais. Pareil. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. C'est positif. Concrètement, au niveau des festivals, est-ce que ça peut rapporter de l'argent à un court-métrage réellement ou pas ? Ben, ça rapporte de l'argent au réalisateur quand il y a un prix en argent. C'est le réalisateur qui touche l'argent. Non, pas nécessairement. Normalement, si le prix est nominatif, le prix est réparti en fonction du contrat de droit d'auteur. En pratique, la plupart des festivals se débrouillent pour que les prix soient nominatifs pour le réalisateur, parce que c'est usuel. Donc il est quand même assez courant que les réalisateurs empochent l'intégralité du prix du festival. Des prix pour le producteur, dans les festivals, il y a combien ? Il n'y en a pas beaucoup, c'est ça ? Il y a Clermont. Non, moi je parlais pour les nominatifs pour le réalisateur. Mais par contre, moi, j'essaye de voir en fonction aussi, je le dis honnêtement, en fonction des financements que j'ai, de plus en plus, je mets une clause spéciale où j'ai tendance à prendre un pourcentage sur les prix. D'accord. Parce que si j'ai un film, par exemple, où il y a un réel investissement financier, etc., un réel risque, bon, évidemment, le réalisateur le prend également, mais je considère que je le prends également quand, par exemple, j'ai un film pour lequel j'amène 60 000 euros. Voilà, je considère que, logiquement, s'il y a un prix... Je donne un exemple tout con. Au César... Il n'y a pas, sauf cette année, à partir de cette année, avec le prix Toscan du Plantier, il n'y avait pas de prix producteur. Il y avait prix du meilleur film, enfin César du meilleur film, mais il n'y a pas de César du meilleur producteur. Je considère que le producteur, il a quand même son rôle à jouer. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a lancé la production de son film, vis-à-vis de ses interlocuteurs, on revient sur Région, CNC, etc., il a un devoir de terminer le film et évidemment que ce film ne soit pas mauvais a priori. Donc il a une responsabilité. Oui, c'est lui qui est responsable. Juste rajouter des financiers. Il ne reste plus de temps. Bon. Ok, vas-y, Dora, rapidement. C'était pour dire que la plupart du temps, les festivals, ça coûte beaucoup d'argent aux producteurs. C'est ça. Voilà. Donc finalement, c'est difficile les d'envoyer. Les cassettes, les films, les copies, etc. Et j'aime faire taper sur les doigts, mais DVD Internet aujourd'hui, c'est rien. Peanuts. L'exploitation du court-métrage ne rapporte pas beaucoup d'argent. Mmh. C'est ça. Pas sauf quelque pour chose qui permet de pallier au manque de financement en amont, ça c'est sûr. Donc pour faire un court-métrage, il faut qu'il soit intégralement financé par les aides initiales. On ne peut pas compter sur l'exploitation pour rentrer dans ses sous. Donc c'est ça. Donc en fait, on fait du court pour le plaisir. Absolument. On finira là-dessus. Pour l'art et pour le plaisir. Voilà. Et déjà bien. Et terminons positivement. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'avancer en ce moment. Oui, ça, c'est vrai. Merci de nous avoir reçus aussi. Ça fait partie des choses qui avancent positivement. Mais voilà, on ne sait pas où ça va, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Et ça, c'est très, très bien. Ce qu'on promet, c'est qu'évidemment, 2 heures pour parler. Déjà, pour présenter un petit peu le métier, parce que ce n'était pas évident. On a pris 1 heure pour présenter le métier, mais je pense que c'était important. Évidemment, ensuite, pour parler de tous les mécanismes des problèmes, c'était pas suffisant. On s'en est rendu compte, donc on fera une autre émission, j'espère, d'ici 4-5 mois, peut-être pour voir où ça en est, voir s'il y a des avancées, ou peut-être à la rentrée, pour voir s'il y a vraiment des avancées. Merci beaucoup à tous d'être venus, et j'espère vous retrouver donc cette émission sur thewebanim.com. Je voulais vous dire qu'il y a une aide de l'AFCA absolument très excellente qui a donné la parole aux producteurs pendant des mois et c'est très intéressant et un très très bon, on l'a eu pendant des semaines, des années ici, un très très bon panorama du long métrage français par Serge Corman, absolument passionnant, c'est de l'aide de l'AFCA, c'est bien aussi de soutenir l'AFCA, ça aide évidemment l'animation. Je confirme. Voilà, hein, Olivier, merci à tous, j'espère à très vite, on va pas passer comme générique la prochaine, mais la dernière. Et Jacques Tati, les vacances de Monsieur Léo pour dire au revoir à tout le monde. Merci et donc au mois prochain. Bye bye. Merci. Au revoir.